working 10-6 months every day just to drive to my baby. Throwing 10-6 months each day, 'cause I drive my baby every way. Et oui, donc je laisse Didier le record présenter le oui, morceau. Je ne suis pas seulement président d'Attaque au béton. Donc c'était Magic Bus par les Who. Donc bon, ça fait partie de la série de 45 tours qu'ils ont sorti en 67, un peu débridé. Bon, ça a un lointain rapport avec le sujet, mais enfin ça parle de bus, de magie, pourquoi pas. Je vais enchaîner sur l'agenda d'Attaque. Non, mais tu as écrit un article important sur ton site qui s'appelle Magic Bus. Ouais, c'est vrai. Et qui est paru dans Ligne d'Attaque, donc la revue nationale de notre association. Il est vrai. Donc sur le bon Attaque, on va juste donner quelques rendez-vous. Donc bon, il y a la manif évidemment de cet après-midi, le 21 septembre. À 15h30, place de la République, donc c'est toujours pour protester contre le déni de démocratie auquel on assiste. Le 23 septembre, donc les amis du monde diplomatique invitent Marc Delpouf, qui est un dirigeant d'Attaque, sur une conférence sur le climat à la Mresse. Et ancien membre d'Attaque Lille. Un ancien adhérent d'Attaque Lille, oui. Et après, il y a le 1er octobre, évidemment, la manif intersyndicale qui devrait quand même amener pas mal de monde. Et je termine avec le ciné-club d'Attaque Lille. Donc, on aura par la fenêtre ou par la porte, le 29 octobre au cinéma L'Univers, un film de Jean-Pierre Bloch. Donc voilà, sur justement le malaise social à France Télécom Orange et la transformation brutale d'un service public en multinational. Voilà. À toi, Florent. Oui, donc pour l'agenda militant. Donc rencontre avec Hugo Paletta à la librairie Le Bateau Livre. Autour du livre Extrême droite, la résistible ascension, publié aux éditions Amsterdam. Et donc ce livre traite des progrès électoraux de l'extrême droite de ces 30 dernières années qui ont installé l'idée de son arrivée inéluctable et imminente au pouvoir. Cette idée est trop souvent permis au personnel politique et médiatique de s'exonérer de l'analyse des causes profondes et de l'alternative à y opposer. Donc ce livre propose au contraire de comprendre, à l'aide des travaux les plus récents en sciences sociales, la façon dont la route a été pavée à l'extrême droite. Et ça sera le 9 octobre à 19h au Bateau Livre, 154 rue Léon Gambetta à Lille. Et je vous signale aussi une autre rencontre au Bateau Livre avec Audrey Millet et SOS Méditerranée à l'occasion de la sortie de son nouvel essai « L'Odyssée d'Abdoul », donc publié aux éditions Les Pérégrines. Marche pour la défense du droit à l'avortement. Donc la constitutionnalisation de l'IVG en France en mars dernier est une avancée importante. Cependant, les conditions d'accès à l'avortement restent très inégales en France en 2024 et de nombreuses personnes voient leurs droits diminuer en Europe et dans le monde. Donc pour lutter pour que l'avortement reste un droit et qu'il puisse être exercé dans les meilleures conditions, rendez-vous le 28 septembre à 14h devant l'Opéra de Lille. et soirée de rentrée à l'APU de FIV, donc les ateliers populaires d'urbanisme qui luttent pour l'accès au droit au logement. Et donc, ils font leur soirée de rentrée le 26 septembre à 18h30. Et vous êtes invité à une rencontre de présentation de l'association, ses actions à venir et évoquer les perspectives autour de la question du logement pour l'année qui vient. Et si vous souhaitez vous investir sur ces questions, n'hésitez pas. C'est donc au 57 rue de Flers à Lille. Et l'APU de FIF, c'est aussi la cantine végane à prix libre tous les lundis à midi à 12h30, l'occasion de rencontrer les habitantes et habitants du quartier. Et voilà, ça sera, c'est tout pour l'agenda. Et donc, vous pouvez retrouver ces rendez-vous et d'autres sur le site lille.demosphère.eu. Et n'hésitez pas également à soumettre des rendez-vous qui ne seraient pas listés. Voilà. Je reprends la parole une seconde, Florent, si tu veux bien. Nous avons aussi, puisque tu as parlé de Paletta et du livre sur la lutte contre le racisme et le Rassemblement National, je peux toujours conseiller de regarder aussi sur YouTube, sur YouTube, la chaîne de l'Institut de la Boétie, qui a 2 heures d'émission sur cette question-là, avec les intervenants sur cette question importante du racisme, comment battre le racisme. J'en terminerai presque avec la programmation pour la semaine. La troisième semaine donc d'octobre, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 19 octobre, effectivement, nous ouvrons la 13e saison d'Angle d'Attaque, c'est pas rien, avec quelqu'un d'important qu'on apprécie à chaque fois qu'on le voit et on le rencontre. On l'a déjà rencontré ici à ce micro, c'est Éric Boquet qui va nous parler de son livre sorti pile il y a un an. Qui s'appelle La dette à perpète, qui est paru aux éditions de Le Temps des cerises. Voilà, donc Éric Boquet, pour ouvrir la 13e saison, on peut difficilement faire mieux. Ensuite, nous parlerons dans les mois novembre, où il y a 5 émissions, nous parlerons de la fiscalité. On n'a pas encore d'intervenant, mais on en a sous le coude. Et à la fin, on parlera du budget de l'État qui fait flipper actuellement le nouveau Premier ministre. Voilà. Nous vous souhaitons un bon week-end. On peut se rencontrer, si vous voulez, cet après-midi pour défendre la République. 1792, quand même, la proclamation de la République. À bientôt sur Radio Campus. Portez-vous bien. 53. Quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Fiona, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette sur des petits chemins de terre. On a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait le cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait dans le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait de la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. On se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons, et de René. Quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de ne te repasse l'un instant avec Paulette. On veut furtivement s'en oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserais, j'oserais demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. Il y avait Fernand, il y avait Fernand.